L'été est là et avec la belle saison arrivent parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau dans la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de nettoyage, faites appel à ProNet, groupe urgence sinistre, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence ouverts 24 heures sur 24. Nettoyeurs aussi d'échangeurs d'air et de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, composez le 88-679-4178. Monsieur Régent Côté et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à l'organisation des championnats canadiens de vélo de montagne qui a lieu en fin de semaine au Toboski de Saint-Félicien. On va parler de soccer. On sait qu'on a nos chroniques hebdomadaires de soccer avec les clubs de Dolbeau et également de Chipougamau. On parle beaucoup, beaucoup de soccer également, de l'Impact et également de ce qui se passe en Europe avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com. Mais il y a un gros tournoi de soccer qui va aller en fin de semaine. Probablement le plus gros de la région. Il se passe à Ville-Saguenay. Et on va rejoindre le responsable Maxime Pépin. Bonjour Maxime. Bonjour. Maxime, oui, effectivement, j'ai fait la chronique de Dolbeau ce matin. On va, on envoie plusieurs équipes. Je pense que Chibougamau envoie plusieurs équipes également. Alors, tu me disais sur les médias sociaux qu'il y a 1000 jeunes qui vont jouer là et qui vont être rassemblés là? Aux alentours de 1000 personnes, en fait, parce qu'il y a des jeunes et moins jeunes. Il y a la catégorie senior également. Donc, je dis pas que les seniors, c'est des vieux. Mais, en fait, c'est une cinquantaine d'équipes là, entre 11 ans et... doit avoir des jeunes à peu près 40-45 ans dans le maximum. OK, puis le calibre est fort. Ça vient de où, ça? En fait, ben, les équipes, tu veux dire ouais, la provenance? Oui, c'est ça. Oui, la provenance des équipes, je dirais, il y en a sur à peu près 50 équipes, dont il y en a environ 28-30 qui sont de la région. Et puis, les 20 autres, on parle de la région de Québec, Mauricie, centre du Québec. On a également les régions au pourtour de Montréal et Montréal. OK, c'est sûr, vous êtes vice. On a également la Côte-Nord, j'ai oublié. Sept-Îles, on a deux équipes de Sept-Îles. C'est sûr que vous êtes à Ville-Saguenay. C'est plus facile d'organiser. Vous êtes plus gros que l'organiser à Dolbeau-Missassigny, genre. Mais qu'est-ce qui fait le succès de ce tournoi-là? Ce qui fait le succès, en fait, c'est, je pense, ben, le côté organisationnel est très fort. C'est notre 17e édition. Oh. Moi, personnellement, c'est ma 3e à titre de DG du club de Chicoutimi. Mais le tournoi est très, très bien rodé. Depuis plusieurs années, ce tournoi-là existe. Puis, on a des bons terrains, on a un bon staff d'arbitrage et des bons bénévoles. Mon CA est très impliqué au niveau de ce tournoi-là. Et puis, ben le Saguenay, tout comme le Lac-Saint-Jean, c'est une très, très belle région. Donc, les gens qui viennent de l'extérieur, en même temps, comme c'est la première fin de semaine de la construction, en profitent pour commencer leurs vacances avec notre tournoi, avec leurs enfants, puis tout ça dans notre OK, région. OK. Puis qu'est-ce qu'il y a aussi, là, Mathieu? Qu'est-ce qui fait... Maxime, pas mal. Pourquoi je me mêle toujours avec Mathieu? Mais ça joue dans combien, sur combien de terrains? Combien de terrains? Je ne sais pas, parce que ça a coupé. Combien de terrains, en fait, pour le mineur, donc tout ce qui est U11 à U16, on va utiliser le parc Jean-Béliveau. Okay. Donc, il y a trois terrains à cet endroit-là, sur le boulevard de l'université. Et puis, les trois autres terrains synthétiques de la ville de Saguenay, soit l'UQAC synthétique, soit le parc Saint-Jacques et le cégep de Jonquière, ces trois terrains-là, on les utilise pour le senior uniquement. OK. Et puis, on fait quelques finales de U14 et U16 qui vont avoir lieu également sur l'UQAC synthétique. Donc, au total, c'est OK. Donc, c'est quand même fort intéressant aussi. Des bourses, j'imagine, qui sont intéressantes aussi pour les équipes gagnantes? Oui, tout à fait. Ben, en fait, pour les mineurs, eux, de l'argent, ça veut rien dire. Ouais. Eux, là, donner 20$ à un petit gars de il va être content, mais je pense plus que le souvenir d'une médaille est encore plus fort. Donc, pour tout ce qui est de U11 à U16, c'est des médailles pour tous les jeunes, du moins les gagnants de l'or, de l'argent et du bronze. Et pour les seniors, eux, ben les médailles, ils en ont en masse, c'est dans leur boîte, dans leur garage. Donc, eux, on leur donne l'argent. Il y a des bourses de 500$ aux gagnants, 250$ aux finalistes au niveau du senior. Je veux te parler de Robertval, parce qu'il y a un gros tournoi qui va être ici, le tournoi de la traversée également. Ça fait plusieurs années que Robertval et le tournoi de la traversée et votre tournoi rentrent en conflit. Il n'y aurait pas moyen que les deux organisations se parlent pour pas nuire à l'autre, parce que je sais qu'à Dolbeau, on va à votre tournoi, mais on ne voit pas celui de Robertval. Je t'avouerais, Denis, c'est sûr que ça apporte certains lots de problèmes du côté de la région. C'était discuté, ça fait longtemps, là, même bien avant moi. Ce qui arrive aussi, c'est que nous, comme c'est un tournoi provincial, où toutes les équipes de la province peuvent venir ici, on est obligé de regarder au niveau des autres tournois. Je prends exemple, il y a le Challenge Desjardins de la Capitale, oui, qui est un tournoi senior uniquement, qui a lieu la fin de semaine juste avant nous. Donc, si nous, on ferait le tournoi, exemple, une semaine avant, ben, on n'aurait quasiment pas de seniors parce que il y a un gros, gros tournoi à Québec qui a au-dessus de 60 équipes seniors qui vont là dans la province. Donc, on essaie de pas se mettre en conflit avec les gros tournois de la province pour qu'on ait des équipes de l'extérieur. Parce que, veux, veux pas ici, peut-être mes autres collègues des autres clubs te l'ont mentionné dans différentes entrevues, mais souvent, on s'affronte année après année après année, tout le temps les mêmes équipes. Les Dolbeaux affrontent Roberval tout le temps, les Pomme-Jonquière, etc. Donc là, ce qui est le fun dans le tournoi, c'est d'affronter d'autres équipes, des équipes de l'extérieur. Donc nous, on met cette date-là pour pas être en conflit avec les gros tournois de la province. C'est sûr qu'avec Roberval, ça rentre en conflit. Mais par contre, Roberval, je veux pas t'induire en erreur, mais il me semble que le tournoi va jusqu'à U12. OK. Donc, nous, notre tournoi commence en U11, U12. Donc, c'est seulement une catégorie qui rentre en conflit. Parce qu'exemple, pour en fin de semaine, Roberval sont dans notre tournoi. On a une équipe de U14 féminine qui vient de chez eux. Sauf qu'on leur monte un calendrier spécial, étant donné qu'ils ont sûrement des jeunes filles qui arbitrent ou qui coachent là-bas. Donc, exemple, il y a une game le vendredi soir et le samedi, ils jouent leur partie, exemple, après 19h, pour pouvoir condenser. Ça leur fait une grosse fin de semaine, mais on réussit toujours à s'en rendre. Ça doit être un peu le même principe que des tournois de hockey. Hein. Les tournois de hockey, il y en a tellement qu'à un moment donné, c'est difficile de ne pas rentrer en conflit avec, avec un autre tournoi. Ça doit être un peu le même principe, hein? Ah, tout à fait. Tant au hockey, au soccer, il a mêlé un tournoi au Québec. Même que côté soccer, moi, je viens de la région de Québec, là, ça fait 3 ans que je suis ici. Avant, dans la région de Québec, t'avais tout plein de tournois, t'en avais quasiment un à chaque fin de semaine. Il y en a beaucoup qui ont tombé depuis. Je pense au Challenge Laurentien, là, dans l'arrondissement à Val-Bélair, Laurentien, etc., Québec. C'est un tournoi que ça faisait 20 ans qu'il roulait. L'année passée, c'était capote, ils l'ont mis à terre parce que justement, c'est en baisse de popularité, il y en a trop. Okay. Donc là, ça devient un casse-tête de vraiment se mettre à une bonne date, etc. Puis nous, ben, les gens le savent, c'est toujours la première de la construction. Donc, il y a des équipes qui reviennent année après année de l'extérieur, puis on essaie de garder ce niveau de rétention. Dis-moi, est-ce que vous êtes rendu à pleine capacité? 1000 joueurs, ça fait beaucoup de monde. Mais est-ce que votre tournoi serait capable d'en prendre encore plus ou vraiment plus que ça, là, ce serait pas l'idéal? Oui, on serait capable d'en prendre plus. Par les années passées, avant que je sois là, je sais que le tournoi, ils ont déjà eu 75 équipes, okay, et il n'y avait pas de seniors à ce moment-là. Donc, ça faisait beaucoup de monde. On serait capable d'en prendre plus, c'est sûr que c'est plus d'organisation. De mon expérience, je pense qu'à 70-80 équipes, on serait pas mal au top, là. Parce que plus que ça, il faudra engager quasiment quelqu'un, peut-être temporaire pendant l'été pour s'occuper juste du tournoi. Je te dirais qu'à 50 équipes, c'est déjà un gros lot de travail. Moi, les gens qui travaillent avec moi là-dessus, c'est majoritairement des bénévoles. Donc, eux, ils ont déjà leur travail, leur famille, etc. Donc, d'agrandir ça pourrait être possible, mais pas plus que 80. Surtout qu'on peut manquer de terrain, les arbitres. Déjà qu'on fait venir des arbitres de l'extérieur, on a une dizaine d'arbitres de Québec qui vont monter, nous donner un coup de main au niveau du senior. Donc, plus t'as d'équipes, plus t'as de matchs, ça devient plus gros. Donc, passer 80-90, ça commencerait plus vite. Deux petits points qu'il me reste à faire maintenant. Donc, on va parler du tournoi. Je vais clôturer avec le tournoi, puis j'ai deux autres points. Ça commence à quelle heure, puis ça finit à... Ça commence samedi, j'imagine? Ça commence vendredi soir. Vendredi soir, c'est surtout les équipes locales, mais les équipes de la région ici qui vont s'affronter. Okay. Notre première partie, l'ouverture officielle du tournoi est à 19h. Vendredi, on va avoir un match entre le Chinook de Chicoutimi contre Saint-Ambroise en U14 féminin. Et puis, c'est à 19h à l'UQAC synthétique. Le député de Chicoutimi, M. Stéphane Bédard, qui est notre président d'honneur, qui va faire l'ouverture officielle. Et puis, il y aura prise de photos, journalistes, etc. Quelques commentateurs vont être là. Donc ça démarre le tournoi officiellement. Et puis, vendredi, ça se déroule jusqu'à 22h30 sur nos terrains. Le samedi matin, on recommence à 8h, 8h30. On termine aux alentours de 23h. Dimanche, on recommence vers 8h, 8h30. Et puis, ça va se terminer, je pense que les derniers matchs vont avoir lieu à 16h45. Okay. Donc, une grosse... Donc, on va clôturer ça. Je veux te parler maintenant du reste de deux points. On entend parler beaucoup au Lac-Saint-Jean du soccer intérieur et d'un complexe intérieur qui va avoir lieu à Ville-Saguenay. Où en est rendu ce dossier-là? Au niveau de Ville-Saguenay, c'est sûr que moi, j'ai pas tous les détails. On est un club, on n'est pas la ville en soi. C'est surtout, je te dirais, mon président qui baigne là-dedans. Il y a un petit comité là au niveau de l'association régionale et des présidents de clubs de Ville-de-Saguenay, soit Chipcha, Labbé, Chicoutimi, Jonquière. Donc, eux sont pas mal là-dedans. Moi, de ce que je sais, ben, c'est plus une information personnelle. Moi, je demeure devant le futur site qui devrait être le site de Intensité, je pense. Okay. Je me trompe tout le temps avec Intercité. Je pense que c'est Intensité avec M. Pascal Bouchard. Et puis, les travaux, ben, ils ont commencé, en effet. Là, il y a des arbres qui ont été arrachés. Ils sont en train de faire le défrichage parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de forêt là-dessus. Sinon, pour avoir parlé également aux promoteurs, parce qu'ils ont fait une conférence de presse dans les dernières semaines qui nous a mis un gros sourire sur le visage, et le projet semble se réaliser. Ça n'a pas l'air d'être une farce. C'est sûr qu'il y a des détails à peaufiner avec la ville et des petites choses comme ça. Nous, en tant que club, on n'est pas au courant de ces détails-là encore. C'est plus haut que nous. Mais on est optimiste, là. Je pense qu'on n'a jamais été aussi proche du projet de Soccer Dome que par les... Ça va faire avancer le soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que moi, je me rappelle avoir fait plusieurs entrevues, puis ils me disaient, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui manque, c'est du soccer à l'année. Donc, certainement que ça va aider, ça, là. C'est sûr et certain. Souvent, quand les gens me posent cette question-là, moi, je l'ai vécu au niveau de Québec. J'ai coaché 12 ans de temps. Puis avant j'entraînais des jeunes, puis l'hiver on jouait au soccer futsal, donc intérieur 4 contre 4 comme il se passe ici. Et puis je pense que le premier stade a été construit, ça fait 8 ans à Québec, donc en 2007, qui est le stade Onco sur la rive sud de Québec à Charny. Quand ce stade-là est apparu, c'était, moi j'appelais ça le paradis du soccer, parce qu'on pouvait jouer du 7 contre 7, formule beaucoup plus intéressante que du 4 contre 4. Et puis après c'était exponentiel. Alors, mon ancien club, c'est un club d'à peu près 3000 joueurs l'été. L'hiver avant, il y avait peut-être 400-500 joueurs. Quand le premier stade est apparu, ça a quasiment doublé. Et là, maintenant, ils ont tout près de 1500-2000 joueurs l'hiver, pour te donner une idée. Ils sont rendus à... Il y a un cinquième stade qui va être construit bientôt là à Québec. Donc, les stades, là, c'est... Si on compare avec ce qui se passe à Québec, c'est sûr que notre membership va augmenter. Les jeunes vont mieux se développer parce que le soccer en futsal, oui, ça dépanne. Mais après 20 ans, on a fait le tour. La première ligue, est-ce que tu connais ça? La nouvelle ligue, la première ligue qui ont... La première ligue, je vais t'avouer, moi, je suis un arbitre de profession, surtout, là. Je connais la ligue un peu via l'arbitrage, mais en tant que DG, je suis pas aussi connaisseur, exemple, que M. Lavoie, là, que Benoît Lavoie, qui connaît beaucoup, beaucoup le soccer européen, etc. Donc, cette première ligue-là au Québec, je sais un petit peu c'est quoi, mais je vais t'avouer que je la connais pas beaucoup. Je suis un petit peu le Dynamo, là, les filles, là. De Québec, qui est une ligue semi-pro, mais sinon, à la ligue masculine... Ce que je veux en venir, c'est sûr que c'est facile à dire, puis c'est des commanditaires, puis ainsi de suite, mais j'ai fait une entrevue il y a quelques semaines avec le président québécois de la Fédération de soccer du Québec, Michel Prudhomme, puis j'y ai posé la question. Posé la question sur une possibilité qu'il y ait une équipe au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est-ce que ça serait possible? Il n'a pas fermé la porte du tout, là. Donc ça serait bon pour l'évolution du soccer. La première ligue, c'est à peu près une division 3, là, de la MLS, de la NASL, puis tu pourrais avoir ça au Québec, là. C'est sûr que c'est un super de beau projet. Ça va prendre beaucoup de bras, pour arriver à un projet de la sorte. Mais le soccer est le sport, je pense, le plus populaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est tout près de 5000 joueurs, c'est un petit peu plus. C'est sûr qu'il y aurait quelque chose à faire, mais je pense que tout va venir en bloc, selon moi, ça c'est mon opinion, là. C'est sûr qu'avec un stade intérieur, ça va encore faire pousser le membership, plus de gens qui vont aimer ça. Un stade intérieur, ben tu peux faire des événements là-dedans. Je pense exemple au Dynamo de Québec, de l'équipe de filles. Il va y avoir un match de série dans le stade Chauveau, là, dans l'arrondissement des Rivières bientôt. C'est sûr que c'est pas un stade qui peut accueillir 20 000 personnes, mais tu réussis à en asseoir pas mal des estrades, etc. Donc nous, ça pourrait être un peu le même concept. C'est sûr qu'à... Puis je pense qu'avant d'arriver à ça, il va falloir peut-être mettre des équipes en senior masculin ou en senior féminin dans le 2A également. Parce que là, présentement, Benoît ou les autres, tu te l'expliques, on a 3 divisions en senior, c'est du A, quand même un bon calibre, il y a un bon niveau de jeu là-dedans. C'est sûr que si on sort les meilleurs, etc., on pourrait faire quelque chose de plus gros, peut-être du 2A pour embarquer dans des ligues comme Québec Métro, aller jouer contre des équipes de l'extérieur. Une fois que tu as ça, si tu vois que tu veux savoir un peu de foule pour ce genre de calibre-là, ben là, une équipe semi-pro comme la première ligue, ça pourrait être quelque chose de pensable. Là. Surtout que je pense qu'on rendait assez vite. Beaucoup dans la région de Montréal, par contre. Donc. Ouais, c'est ça. Et Montréal, pour que ça sorte là, il faut les creuser un petit peu. Là. Même quand on descend un petit peu plus bas, l'exemple en 3A, le niveau à partir du 14 aller jusqu'à senior, avant c'était très, très, très, très Montréal. Là, il y a un peu de Québec qui joue, de plus en plus d'équipes de Québec, et un peu en région. Exemple, cette année, je pense qu'il y a une équipe de Rouyn-Noranda. Nous, il y a 2 ans, on avait une équipe en U16 féminin 3A. Pour que les gens soient à Montréal, faut tirer fort. Fait que là, à savoir dans la première ligue, ça va se fonctionner, quoi. C'est une ligue dite semi-pro, donc les athlètes, eux, vont être habitués de se déplacer, l'autobus, etc. Je pense que ça pourrait être un projet viable, mais il y a beaucoup de travail d'ici à faire. 10 ans environ, peut-être, peut-être quelque chose de pensable. Peut-être, oui, tout à fait, dans le développement de la région. C'est sûr que les directeurs techniques, ont d'autres visions. Exemple, on commence plus par la base. Là, exemple, on voudrait peut-être une équipe 3 par club, ouais. ou du moins plus avoir d'équipes de A, des choses comme ça. Puis, tu sais, on va niveler par le bon, on va commencer en bas. Quand on va être rendu vraiment plus haut, là, peut-être qu'une équipe comme ça pourrait être vraiment intéressante. OK, on va faire une entrevue, d'ailleurs, au cours des prochaines semaines avec le directeur de l'ARS, parce qu'il me semble qu'on est rendu pas mal là. Fait que, ben, très intéressant. On va se reparler certainement d'ici la fin de l'été. Parfait. Bien, voilà, donc Maxime Pépin, le responsable du tournoi de soccer qui aura lieu en fin de semaine à Chicoutimi.